الحمد لله الحمد لله رب العالمين La louange est à Dieu, Seigneur des univers. والصلاة والسلام على أمير الأنبياء وإمام المرسلين. Et les prières et les salutations sont sur l'émir des prophètes et l'imam des envoyés. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين. Et j'atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Dieu, tuteur des vertueux. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا رسول الله الصادق الأمين. Et j'atteste que notre bien-aimé et maître Mohammed est l'envoyé de Dieu sincère et véridique. أيها الإخوة والأخوات في الدين. Mes frères, mes sœurs en islam, نتابع دروسنا في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. On va poursuivre nos cours de la sira, de la biographie du messager de Dieu, paix soit sur lui, ma'ad-darsi as-sadis 'ashar, avec le cours numéro 16. Wasala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ila sinn al-20 sana. Muhammad, paix soit sur lui, a atteint maintenant l'âge de 20 ans. Fa waqa'at harbun bayna qabilatayn Kinana wa Qays. Et il y a eu une guerre entre deux tribus, Kinana et la tribu de Qays. Ithra jarimat qatl, et ceci après ou par la suite d'un assassinat, summiyat hadhihi al-harb bi harbi al-fijar. Cette guerre a pris le nom de la guerre des pervers ou de la perversité, li'annaha waqa'at fi shahr al-haram, parce qu'elle a eu lieu dans un mois sacré. Et normalement, dans un mois sacré, les Arabes n'avaient pas le droit de mener une guerre. وَنْضَمَّتْ قُرَيْشْ إِلَى كِنَانَ. Quraysh était devenu pendant la guerre l'allié de Kinana, a fait la guerre à côté de la tribu de Kinana. وَحَضَرَ مُحَمَّدْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي هَذِهِ الْحَرْبِ. Muhammad, paix soit sur lui, a assisté dans cette guerre. وَلَكِنَّهُ لَمْ يُقَاتِلْ. Mais il n'a pas combattu. Il n'était pas un guerrier. بَلْ كَانَ يَجْمَعُ سِهَامَ الْأَعْدَاءَ الْوَاقِعَ عَلَى الْأَرْضِ وَيُعْطِيهَا لِأَعْمَامِهِ. Son rôle, c'était de ramasser les flèches des ennemis tombées sur le sol et il donnait ses flèches à ses oncles qui participaient à la guerre. وَبَعْدَ نِهَايَةَ الْحَرْبِ. Après la fin de la guerre, اجْتَمَعَتْ عِدَّةَ قَبَائِلْ مِنْ قُرَيْشِ. Il y a eu un rassemblement de plusieurs tribus parmi les Quraychites. Min baynihim banu Abd al-Muttalib. Parmi ces tribus, il y avait celle de ou des enfants de Abd al-Muttalib. Wa assasu hilfan. Ils ont constitué une alliance. Ils ont fondé une alliance. Wa huwa hilf al-fudul. L'alliance du bien. Al-fudul min al-fadl, min al-khayr. Hilf al-khayr ou al-khayrat. والهدف منه هو مقاومة الظلم. Le but déclaré lors de la constitution de cette alliance, c'est de lutter contre l'injustice. وإعانة المظلوم, et d'assister la victime ou les victimes d'injustice. وكان من بينهم من بين الحاضرين من بين الموقعين, il y a eu parmi les signataires le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. يعني كان من بين الحاضرين من بين الموقعين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد أن أصبح نبيا, par la suite lorsqu'il est devenu plus tard un prophète, قال, il dit, ولو أدعى به, يعني في الإسلام, لأجبت. Et si on m'appelle maintenant à la même chose, ça veut dire à l'alliance du bien, ça veut dire en islam, en période islamique, je répondrai, ça veut dire par oui. فَلَقَدْ كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَرْفُضُ وَيَكْرَهُ الظُّلْمِ. Paix et salut sur lui, il détestait et il refusait toutes sortes d'injustices. وَقَالَ, et il dit, الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. L'injustice ou les injustices deviendront des ténèbres le jour de la résurrection. متفق عليه, unanimement authentique. بِمَعْنَا الْعَدْلِ, Anwarun yawm al-qiyama. Ceci signifie que la justice ou l'équité se transformera en lumière le jour de la résurrection. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam, et il dit, paix soit sur lui, Unsur akhaka zaliman aw madluman. Assiste ton frère, qu'il soit agresseur, qu'il soit injuste ou qu'il soit victime d'injustice, tu dois l'assister. فقال رجل, un homme se posa la question, يا رسول الله, إن كان مظلوما, s'il est victime d'injustice, أفرأيت إن كان ظالما, كيف أنصره, mais s'il est oppresseur, s'il est agresseur, s'il est injuste, comment je vais l'assister, comment je vais l'aider? قال صلى الله عليه وسلم, le prophète paix soit sur lui dit, تمنعه عن الظلم, tu l'empêches de commettre l'injustice. فَإِنَّ ذَلِكَ نَصْرُهُ, c'est ça son assistance, ou l'assistance à lui. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, unanimement authentique. وَلَمَّا شَبَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ انْتَقَلَ مِنْ رَعِيِ الْأَغْنَامِ إِلَى الْعَمَلْ فِي التِّجَارَ بِمَكَّةِ. Lorsqu'il a grandi, paix soit sur lui, il a changé le métier de berger de moutons pour un autre métier, c'est le commerce. Il a commencé à faire le commerce dans la Mecque. وَصَارَ شَرِيكًا لِتَاجِرٍ, il est devenu un associé avec un commerçant, اسمه السائب ابن أبي السائب, nommé السائب, fils de Abu السائب. فَكَانَ خَيْرَ شَرِيكٍ لَهُ, et il fut le meilleur associé à lui. وَبَعْدَ أَرْبَعِينَ سَنَةً, et après 40 ans, جاء السائب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Après 40 ans de ce jour-là, السائب est venu voir le messager de Dieu, paix soit sur lui, يوم فتح مكة, le jour de la conquête de la Mecque. فرحب به صلى الله عليه وسلم, et le prophète paix soit sur lui l'a bien accueilli. وقال له, et lui dit, مرحبا بأخي وشريكي, bienvenue à mon frère et à mon associé, c'est-à-dire le prophète paix soit sur lui n'a pas oublié les quelques années qu'il a passées avec lui comme commerçant. والحديث رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد, rapporté par l'imam Abu Daoud, Ibn Majah wa Ahmad. وهكذا صار محمد صلى الله عليه وسلم تاجرا جادا وصادقا. Ainsi, Mohammed paix soit sur lui est devenu un commerçant sérieux, véridique, wa aminan, et dépositaire sûr. La Yarouche, il ne trichait pas dans son commerce. La Yarouche fit tijara, ou la Yasriq, il ne volait pas, ou la Yakdib, et il ne mentait pas. Hatta ishtahara bayna an-nas fi Mecca, jusqu'au point qu'il est devenu chez les gens dans la Mecque, célèbre par ce qualificatif as-sadiq al-amin. Le dépositaire fidèle et véridique. Dépositaire, ça veut dire quelqu'un auprès duquel on dépose soit un objet ou un secret. Et il garde avec fidélité l'objet ou le secret. Et en arabe, on dit l'amin. Amin. Mais amin a plusieurs significations en français. Amin signifie celui qui garde le secret, celui qui garde l'objet, celui qu'on ne craint pas. On est en paix avec lui, ça a plusieurs significations, le mot Amin. Donc on l'appelait le véridique et Amin. ولما جاء الإسلام لم يحرم التجارة. Et à la venue de l'islam, l'islam n'a pas interdit le commerce. قال تعالى, Dieu dit dans un verset coranique, وأحل الله البيع وحرم الربا. Dieu a permis le commerce et a interdit l'intérêt. فالإسلام حرم الربا, l'islam a bien interdit l'intérêt, والغش, la tromperie, ça veut dire dans le commerce, la tromperie ou la tricherie, والكذب, le mensonge, والخيانة, la trahison, tout ceci dans le commerce, في التجارة. قال صلى الله عليه وسلم, le prophète paix soit sur lui dit, آية المنافق ثلاث, il y a trois signes pour l'hypocrite. إذا حدث كذب, lorsqu'il parle, il ment. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفْ, lorsqu'il promet quelque chose, il ne respecte pas sa promesse, il n'honore pas sa promesse. وَإِذَا تُمِنَ خَانْ, et il trahit le dépôt ou ce qu'on dépose chez lui. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, unanimement authentique. Wa kullu hadhihi fi at-tijara. Et tout ce que je viens de dire se trouve dans le commerce. Fa fi at-tijara nahtaj lis-sidq. Dans le commerce, on a besoin de la véracité. L'ihtiram al-wu'ud, le respect des promesses. Wal-amana, wa ihtiram al-amana, et le respect des dépôts. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam, lamma ra'a ba'i'an yaghush, et il a dit, paix soit sur lui, lorsqu'il a vu un vendeur en train de tricher, man ghashana falaysa minna, celui qui nous trompe ne fait pas partie des nôtres. Rawahu Muslim wa Ibn Majah wa Tirmidhi wa Abu Daoud, rapporté par Muslim, Ibn Majah, Tirmidhi, Abu Daoud. Wa fi riwaya, dans une autre version, man ghasha falaysa minna, celui qui triche ou qui trompe ne fait pas partie des nôtres. Fil oula qal man ghashana, dans la première version, il a dit celui qui nous trompe, qui trompe les musulmans, ne fait pas partie des nôtres. Mais dans la deuxième, il a dit quiconque trompe ou triche ne fait pas partie des nôtres. Ça veut dire même s'il trompe les autres qui ne sont pas musulmans, il ne fait pas partie des nôtres. Yani man ghasha, ghash insan kama kan, man ghasha ay insan falaysa minna, laysa min al-muslimin. Al-muslim laysa bighashash. Le musulman n'est pas quelqu'un, n'est pas un tricheur ou quelqu'un qui trompe les autres. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam, et il dit, paix soit sur lui, at-tajiru as-saduq al-amin, le commerçant digne de confiance véridique, ma'a an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada yawm al-qiyamah, sera avec les prophètes, avec les vertueux, avec les martyrs le jour de la résurrection. At-tajir, as-saduq al-amin, le commerçant véridique, dépositaire sûr, sera avec les prophètes, les vertueux et les martyrs le jour de la résurrection. Al-hadith rawahu at-Tirmidhi wa qala hadithun hasan, rapporté par l'imam Tirmidhi, qui a dit un hadith satisfaisant. Wa rawahu Ibn Majah, il a été rapporté aussi par Ibn Majah. Wa fi nafs al-waqt qala sallallahu alayhi wa sallam, en même temps le prophète paix soit sur lui a dit une fois aux commerçants, قال للتجار مرة إن التجار يبعثون يوم القيامة, certes les commerçants seront ressuscités le jour de la résurrection comme pervers, فجارا إلا كل التجار, tous les commerçants, إلا من اتقى الله, à part celui qui aura craint pieusement Dieu, وبر, il a fait du bien, وصدق, et aura été véridique. Mais tout le reste seront des pervers devant Dieu subhanahu wa ta'ala. Tous les commerçants, à part ce type de commerçant, qui était pieux et qui était véridique. At-Tirmidhi, rawahu at-Tirmidhi wa qala hadithun sahih, a été rapporté par l'imam Tirmidhi, qui a dit hadith authentique. Wa rawahu Ibn Majah wa Ibn Hibban wa al-Hakim, qui a été rapporté aussi par Ibn Majah, Ibn Hibban et al-Hakim. Fat-tijara as-sadiqa kulluha halal. Donc le commerce véridique ou sincère est entièrement licite, halal, illa idha alhat wa ab'adat anil ibada, sauf dans le cas où le commerce t'éloigne ou te rend distrait par rapport à l'adoration de Dieu subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala, Dieu le Très-Haut dit dans un verset coranique, fi ayatin madihan ashab buyut Allah, dont le verset Dieu a fait des éloges aux gens des maisons de Dieu, aux gens qui fréquentent les maisons de Dieu, ça veut dire les mosquées, rijalun لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ما العلم أن التجارة حلال وأحل الله البيع رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. Des hommes qui nient commerce, malgré que le commerce est autorisé et licite par Dieu et halal. Des hommes qui ni commerce ni vente n'empêchent par distraction de penser à Dieu ou bien d'évoquer Dieu, d'accomplir la prière et de faire l'aumône légale, c'est qu'ils craignent un jour où les cœurs et les regards subissent un changement constant. Sur ceci, ou finalement on peut dire at-tijara amalun halalun mubarak, le commerce est un travail licite, légal, halal et béni, li'annahu kan 'amal an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'était le travail du prophète paix soit sur lui, wa ka'amal kathir min as-sahaba wa min as-salihin, Ridwanullahi alayhim. Et c'était aussi le travail à travers l'histoire des compagnons et de pas mal de vertueux, que Dieu soit satisfait d'eux. Ce qui est regrettable, ce qui est regrettable à notre époque, mes frères et mes sœurs, an-tujjar al-muslimin, c'est que les commerçants musulmans ibta'adu an akhlaq al-islam, se sont éloignés de la moralité islamique. Tajid at-tajir yakdhib, tu trouves le commerçant qui ment, qui raconte des mensonges en ceux qui vont, hein, wa yarush, et triche, wa yabi' hatta al-haram, ils vont parfois même l'interdit, dhannan, en pensant en croyant que avec la tricherie, avec le mensonge, il va gagner. Et oublie que le bénéfice vient de la part de Dieu, que le gain ne vient que de la part de Dieu. Ce n'est pas avec ses mensonges ou qu'avec sa tricherie qu'il aura le bénéfice. Le bénéfice ou le gain est toujours détenu par Dieu. Il le donne à qui il veut. Et il oublie que la subsistance est détenue par Dieu subhanahu wa ta'ala. وَيَنْسَ أَنَّ اللَّهَ مَعَهُ, et oublie que Dieu est avec lui. يَنْظُرُ لِكَذِبِهِ وَغِشِهِ, en train de voir sa tricherie et son mensonge. وَأُعْطِيكُمْ مِثَالًا صَغِيرًا وَالْأَمْثِلَ كَثِيرًا, je vous donne un petit exemple, mais les exemples sont nombreux. فِي فَرَنْسَ, en France, حَسَبْ الْإِحْصَائِيَاتِ, selon les statistiques, أَقَلْ من 10% فقط من اللحم الحلال مذبوح حسب الطريقة الإسلامية. Il y a, d'après les statistiques, il y a moins que 10% de la viande halal qui est sacrifiée selon la norme islamique. Et ça veut dire plus que 90%, c'est pas halal. On dit halal, mais c'est pas halal. وفي نفس الوقت, et en même temps, كل الجزارين المسلمين يقولون بأن لحمهم حلال. Et en même temps, tous les bouchers musulmans te disent que leur viande, bismillah, c'est halal. لو كان كل جزار مسلم صادقا امينا, si chaque boucher musulman était véridique et fidèle, لكان اللحم في فرنسا حلالا المئة بالمئة, la viande serait en France halal à 100% si on avait des bouchers comme le prophète, véridiques et sûrs et amin ou mana, fidèles. Yaqulu as-sadiq al-amin, le vrai véridique et fidèle dit, man ghashana falaysa min, celui qui nous triche, celui qui nous trompe ne fait pas partie des nôtres. Tu vends la viande qui n'est pas halal et tu dis halal, tu es en train de tricher, de tromper les musulmans. Tu n'as pas honte. يعني الا تستحي من الله تعالى وتبارك اللحم مش حلال ويسالك الواحد وتقول حلال من غشنا فليس منا, celui qui nous trompe ne fait pas partie des nôtres. Rawahu Muslim, rapporté par l'imam Muslim. ويقول صلى الله عليه وسلم, et le prophète paix soit sur lui dit, comme ce que nous avons vu, التاجر الصدوق الامين, le commerçant sincère véridique, مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة, sera avec les prophètes, avec les vertueux, avec les martyrs le jour de la résurrection. يا جزار المسلمين, ô boucher de musulmans, بيع للناس لحما حلالا, vend aux gens une viande halal, تكن مع الأنبياء والصادقين, et tu seras avec les prophètes et les véridiques. تكن مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, مع الأنبياء وعلى رأسهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وموسى وإبراهيم عليهم السلام. Tu seras, grâce à cet acte sincère et véridique, avec notre maître Mohammed, paix soit sur lui, avec Abraham, avec Moïse, paix soit sur l'ensemble, وتكن مع أبي بكر وعمر رضوا مع الصادقين, et tu seras avec les vertueux comme Abu Bakr et comme Omar, que Dieu soit satisfait d'eux. لماذا هذه المكانة؟ Pourquoi ce niveau, cette place؟ من أجل الصلاة؟ Grâce à la prière؟ من أجل الزكاة؟ Grâce à la zakat؟ لا, non. لأنك كنت صادقا مع المسلمين. Parce que tu étais seulement ou uniquement véridique avec les musulmans. وهكذا تكون مع الصادق الأمين. Et comme tu étais véridique et sincère, tu finiras par être dans l'au-delà avec le véridique et sincère Muhammad, paix et salut sur lui. القضية قضية إيمان. L'affaire est une affaire de foi. قضية عقيدة, une affaire de croyance. لو كان الإيمان, s'il y avait la foi dans les cœurs, لاختار المسلم أن يبيع أي شيء. Le musulman allait choisir de vendre n'importe quoi. أن يبيع التراب, de vendre la terre ou le sable. التراب أو الرمل أو الخضر, les légumes. بدل أن يبيع لحما غير مذبوح, au lieu de vendre une viande non sacrifiée, ويقول هو حلال, et de dire pourtant que c'est halal. تفضل, بسم الله, c'est halal. وإن بقينا بالحياة, et si on reste en vie, فسأتكلم في موضوع جمعة عن اللحم الحلال بفرنسا إن شاء الله. Si on reste en vie, je vais un jour aborder le sujet de la viande halal en France dans un vendredi إن شاء الله. ونعود إلى مكة, et on revient maintenant vers la Mecque. لقد صار محمد صلى الله عليه وسلم مشهورا في بضعة سنين عند كل الناس بصدقه. En quelques années, Mohammed, paix soit sur lui, est devenu célèbre chez tous les gens de la Mecque par sa véracité. Et tout le monde l'a aimé. On n'a qu'à faire comme lui et tout le monde va nous aimer. Regardez, en quelques années, parce qu'il était... Les gens ne trouvaient pas quelqu'un de véridique, comme quelqu'un de fidèle, quelqu'un de strict comme lui. À l'époque où les gens adoraient, étaient des associateurs, c'était presque inexistant d'avoir quelqu'un comme lui. Et lorsque les gens ont trouvé quelqu'un comme lui, tout le monde l'a aimé. Il est devenu connu par tout le monde. Et quiconque se comporte comme le prophète, paix soit sur lui, Dieu va l'aider comme il a aidé son serviteur Mohammed, paix soit sur lui. Tous les gens l'ont aimé. Parce que celui qui est véridique est aimé au premier lieu par Dieu subhanahu wa ta'ala. Le premier qui l'aime, c'est Dieu subhanahu wa ta'ala. Une fois il y a un véridique quelque part, le premier qui va l'aimer, c'est Dieu. Parce que c'est Dieu qui connaît ce qu'il y a dans son cœur. Il va trouver la vérité, l'authenticité, la sincérité, il va l'aimer. أول من يحب الصادق هو الله تعالى ثم يأمر جبريل عليه السلام. Et après il donne l'ordre à l'archange Gabriel, l'émir des anges, de l'aimer. بأن يحبه ثم يأمر الملائكة بأن تحبه. Et après Dieu demande à tous les anges d'aimer ce véridique. ثم يأمر الناس بحبه. Et après il demande aux gens d'aimer ce véridique. ووصل الخبر إلى خديجة رضي الله عنها بنت خويلد. Et l'information s'est propagée jusqu'à la dame qui la première dame de la Mecque qui s'appelait Khadija, fille de Khuwaylid, que Dieu soit satisfait d'elle. Wa Khadija ذات مال وشرف وحكمة. Khadija avait une grande part de fortune, avait une fortune immense et était noble, la grande noblesse. Et elle avait une grande sagesse en même temps. Dans toute la Mecque, tout le monde savait que Khadija, elle est noble, elle est très riche et sage. وتشغل في تجارتها الدولية التجار المهر الصادقين. Et elle recrutait pour son commerce international à l'époque les commerçants compétents et véridiques. وكانت من الذين ينظمون رحلة الشتاء والصيف. Elle fut parmi les gens, les grands commerçants mécois, qui organisaient les voyages d'été et d'hiver. Ça veut dire vers le Yémen en hiver, vers le Cham, le nord, en été. يعني رحلة الشتاء والصيف في اليمن في الشتاء والشام في الصيف. وأرسلت خديجة إلى محمد صلى الله عليه وسلم. Et lorsqu'elle a eu l'information, Khadija, que Dieu soit satisfait d'elle, envoya un messager vers Mohammed, paix soit sur lui. C'est elle qui va le demander. وعرضت عليه أن يخرج في مال لها إلى الشام تاجرا. Et elle lui a fait la proposition de sortir à la tête de ses caravanes, à la tête de sa marchandise, vers le nord, vers le Cham. Cham, c'est le lieu géographique, la Palestine, la Jordanie et la Syrie d'aujourd'hui. Vers le Cham comme commerçant, comme gérant, comme responsable de son commerce. وستعطيه أكثر مما كانت تعطيه لغيره من التجار. Et elle lui a fait la proposition suivante, comme quoi elle va lui donner plus que ce qu'elle donnait auparavant à tous les commerçants. وقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم, le prophète paye ça sur lui, a accepté l'offre. وخرج صلى الله عليه وسلم مع ميسرة خادم خديجة رضي الله عنها. Et il est sorti accompagné du serviteur de, comment dire, de Khadija. Il s'appelait Maysara. وسنه 25 سنة. Et il avait, ça veut dire le prophète paix sur lui, il avait l'âge à l'époque de 25 ans. يتيم الأمس يقود اليوم أكبر قافلة. L'orphelin d'hier, aujourd'hui, il est en train de conduire la plus grande caravane. فقير الأمس, le pauvre d'hier, سيربح اليوم أكثر من كل تجار مكة, va gagner aujourd'hui plus que tous les autres commerçants de la Mecque. La ilaha illallah. Il n'y a aucune divinité à part Dieu. يغني من يشاء. Il enrichit qui il veut. ويفقر من يشاء. Et il appauvrit qui il veut. ويرفع من يشاء. Et il élève les degrés de celui qui il veut. ويضع من يشاء. Et il rabaisse qui il veut. يعز من يشاء. ويذل من يشاء. Il honore qui il veut. Et il déshonore qui il veut. أخي, أختي, frère, sœur, كن صادقا. Sois véridique. وتوكل على الله. Et remettons à Dieu. ولا تخف من أي شيء. Et ne crains aucune chose. Sois sûr et certain de lui. وباع محمد صلى الله عليه وسلم كل البضائع. Le prophète paix soit sur lui, rapidement, dans le chêne, il a liquidé toute la marchandise de Khadija. واشترى بضائع الروم. Et avec l'argent gagné, il a acheté beaucoup de marchandises des Byzantins. وبارك الله عمله. Et Dieu, comme d'habitude, a béni son œuvre, a béni son travail, a béni son commerce. وكان الربح هائلا. Le bénéfice était immense. ورجع إلى مكة. Il est revenu par la suite vers la Mecque. ورأت خديجة الأرباح. Et Khadija a vu le grand bénéfice. التي لم ترها من قبل. Qu'elle n'a jamais vu auparavant avec aucun autre homme. بفضل بركة محمد صلى الله عليه وسلم. Et c'était grâce à la bénédiction qu'avait Mohammed Paysagerie. وأخبرها غلامها ميسرة. Et son serviteur ميسرة, qui a accompagné le prophète lors du voyage, l'a informé de toute l'histoire, de tout ce qu'il a vu. بما رأى خلال الرحلة. Il a raconté tout ce qu'il a vu à travers le voyage. من أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم العالية. Il lui a raconté la haute moralité de Mohammed. Paix soit sur lui. Comme quoi c'était quelqu'un qui ne ressemblait pas aux autres. Il était unique du genre. وبسرعه. Et en grande vitesse, فكرت في الزواج به. Et la pensée à se marier avec lui. Il n'y a pas quelqu'un comme lui dans toute la Mecque. Donc comme femme, elle a pensé rapidement à se marier avec Mohammed. Paix soit sur lui. كل سادات وأشراف مكة كانت تتمنى الزواج بخديجة. Tous les chefs, tous les dignitaires de la Mecque souhaitaient se marier avec Khadija. Chacun de sa part lui envoyait un messager pour demander le mariage et Khadija toujours, elle refusait les offres. وكانت خديجة رضوان الله عليها ترفض. وكانت خديجة أيم. يعني وكانت خديجة أيما. Et Khadija fut à l'époque une veuve. تزوجت مرتين. Elle a connu le mariage à deux reprises. وفي كل مرة يموت زوجها. Et à chaque reprise, son mari décédé. والآن سنها 40 سنة. Maintenant, elle a l'âge de 40 ans. وهي مثل النبي صلى الله عليه وسلم. Elle était exactement comme le prophète paix soit sur lui. D'un point de vue. كانت إبراهيمية إسماعيلية من أبيها وأمها. من أبيها ومن سلالة أمها تلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في سلالة النبي صلى الله عليه وسلم الإبراهيمية الإسماعيلية. Ça veut dire sa lignée de la part de son père ou de sa mère rencontrait celle du prophète paix soit sur lui. Ça veut dire elle venait elle aussi d'Abraham et d'Ismaël, que Dieu les bénisse. Wa hiya tahira naqiya afifa sharifa, et elle fut propre, pure, chaste et noble. Wa amama hadha ar-rajul al-mubarak Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et devant cet homme béni, Muhammad paix soit sur lui, wa ka'annaha ahassat bi nafs al-ihsas الذي أحس به نبي الله شعيب عليه السلام أمام موسى عليه السلام. Elle a eu comme si elle a eu les mêmes sentiments qu'avait le prophète Shu'aib, paix soit sur lui, devant la personne de Moïse, paix soit sur lui. لما قالت بنت شعيب لأبيها في الآية القرآنية, lorsque la fille de Shu'aib a dit à son père dans un verset coranique, يا أبتي استاجره. إن خير من استاجرت القوي الأمين. قال أبوها يعني شعيب قال إني أريد, يتكلم مع موسى عليه السلام, قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تاجرني ثماني حجج. Père, elle dit, père, engage-le, ça veut dire Moïse, engage-le à ton service, car le meilleur que tu puisses engager est l'homme fort et digne de confiance. Amin, et digne de confiance, il dit, ça veut dire Shu'aib, en parlant à Moïse, je voudrais te donner en mariage l'une de mes filles ou l'une de mes deux filles que voici, à condition que tu t'engages à me servir pendant 8 ans, pendant 8 pèlerinages, ça veut dire 8 وقبل موسى عليه السلام وتزوج مع بنت شعيب عليه السلام. Et Moïse, paix soit sur lui, accepta l'offre et se maria avec la fille du prophète Shu'aib, paix soit sur l'ensemble. والآن, et maintenant, وكأن خديجة تريد أن تقول لمحمد صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين. Et maintenant, comme si Khadija veut dire à Muhammad, le sincère et le véridique, paix soit sur lui, إني أريد أن أنكحك نفسي. Je voudrais te donner en mariage moi-même. Je voudrais te donner en mariage pas l'une de mes deux filles, comme a dit le, comment dire, Shu'aib, paix soit sur lui. Je voudrais te donner en mariage la personne de moi-même. هذه على أن تسير تجارتي, à condition de gérer mon commerce. ولم تستطع الكلام أمام محمد صلى الله عليه وسلم ومنعها الحياء. Mais elle a été empêchée de parler au prophète, paix soit sur lui, par sa pudeur, parce qu'elle était pudique. فأرسلت إليه صديقتها نفيسة. Elle lui a envoyé son amie ou sa copine نفيسة. فقالت له يا محمد. Et celle-ci lui dit, ô Mohammed, ما يمنعك أن تتزوج؟ Qu'est-ce qui t'empêche de te marier? Dis-moi, qu'est-ce qui t'empêche de te marier? قال صلى الله عليه وسلم, ما بيدي ما أتزوج به. Je n'ai pas de quoi me marier. Je n'ai pas une fortune à dépenser pour le mariage. Je n'ai rien. Je suis encore pauvre. ما بيدي ما أتزوج به. قالت, فإن كفيت ذلك, si on te dispense de tout ceci, ودعيت إلى المال والشرف, et si on t'appelle à la noblesse et à la richesse, elle est toujib, ne réponds-tu pas? قال فمن هي, il dit, et laquelle? قالت خديجة, elle dit خديجة, خديجة. فوافق النبي صلى الله عليه وسلم كما وافق من قبله موسى عليه السلام. Et le prophète Mohammed, paix soit sur lui, accepta comme avant lui Moïse, paix soit sur lui, a accepté. وذهب إلى عمه أبي طالب, et il se dirigea vers son oncle très bien aimé Abu Talib. فخطبها له عند عمها. Et Abu Talib a fait la demande en son nom, c'est-à-dire pour se marier avec Khadija. Abu Talib l'a demandé pour Muhammad auprès de son oncle, c'est-à-dire l'oncle de Khadija, parce que son père était elle aussi mort. بصداق قدره 20 ناقة, avec un sadaq, avec une dot de 20 chamelles. وتزوجها صلى الله عليه وسلم, et le prophète paix soit sur lui s'est marié avec elle, في سن الخامس والعشرين, à l'âge de 25 ans, وعمرها 40 سنة, elle avait l'âge de 40 ans, فارق يساوي 15 سنة, une différence d'âge égale à 15 ans, يتيم الأمس الآن يتزوج السيدة الأولى في مكة, l'orphelin d'hier, maintenant il se marie avec la première dame de la Mecque. وفقير الأمس, le pauvre d'hier, يسير الآن أكبر ثروة في مكة. Va diriger maintenant, va gérer maintenant, le pauvre d'hier va diriger maintenant la plus grande fortune de la Mecque. La ilaha illallah. Il n'y a aucune divinité à part Dieu. قال له تعالى في آية بعد سنين. Dieu lui a dit dans un verset coranique après des années et des années, ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. نعم يا رب. Ne t'a-t-il pas, ça veut dire Dieu, ne t'a-t-il pas trouvé orphelin et ne t'a-t-il point alors assuré le gîte? Et t'ayant trouvé perdu, il t'a mis sur la bonne voie. Et t'ayant trouvé dans le besoin, il t'a enrichi. Ra'ayna fil madi kayfa awahu wa huwa yatim. Nous avons vu tous dans le passé comment Dieu lui a aménagé l'abri ou le gîte lorsqu'il était orphelin. ورأينا اليوم كيف أغناه وهو عائل. Aujourd'hui nous avons vu comment il l'a enrichi lorsqu'il était pauvre. وسنرى في الدروس القادمة كيف سيهديه وهو ضال. Et on va voir dans les prochains cours comment Dieu va le mettre sur la bonne voie lorsqu'il était perdu. كان الشباب يتزوجون في مكة في سن مبكرة. Les jeunes hommes, les jeunes comme lui, se mariaient à l'époque dans la Mecque à un âge précoce, لِتَلْبِيَةِ شَهَوَاتِهِمْ الْجِنْسِيَةِ, afin de satisfaire leurs besoins ou leur désir charnel. وَكَانُوا لَا يَتَزَوَّجُونَ إِلَّا بِالْفَتَيَاتِ الصَّغِيرَةِ السِّنِ, et ne se mariaient qu'avec des jeunes femmes qui avaient elles aussi un âge précoce. والنبي صلى الله عليه وسلم, le prophète paix soit sur lui, نسي الزواج, a oublié le mariage. حتى ذكرته خديجة رضوان الله عليها, jusqu'à ce que Khadija lui a rappelé le mariage. Lui, il a oublié le mariage. Il a atteint l'âge de 25 ans, il pensait même pas au mariage. Malgré que les jeunes à côté de lui se mariaient à 18 ans, à 19 ans, se mariaient avec des filles de 14 ans ou 15 ans. ذكرته الزواج في سن الخامسة والعشرين, jusqu'au point ou jusqu'au niveau que Khadija lui a rappelé le mariage à l'âge de 25 ans. ولما تزوج, et lorsqu'il s'est marié, لم يختار بنتا سنها 16 سنة, lorsqu'il a voulu se marier à 25 ans, il n'a pas choisi une fille qui avait l'âge de 16 ans, أم 18 سنة, ou une fille qui, ou une femme qui avait l'âge de, une jeune femme qui avait l'âge de 18 ans. بل اختار سيدة أيما عمرها 40 سنة, mais plutôt il a choisi une dame veuve qui avait l'âge de 40 ans, qui le dépassait de 15 ans. فهل هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم بالشهوات الجنسية والحيوانية؟ Est-ce que ce prophète, paix soit sur lui, s'intéressait au désir charnel, comme يصفه بعض الكتاب اليوم, comme quelques-uns ou quelques auteurs ou écrivains le qualifient aujourd'hui ou l'accusent aujourd'hui? إنه بريء صلى الله عليه وسلم كما رأيتم من كل الاتهامات الموجهة إليه ظلما. Il est tout à fait innocent, paix soit sur lui, de toutes sortes d'accusations qu'on dirige vers lui par injustice aujourd'hui. يقولون تزوج بعدة نساء. Ils disent aujourd'hui qu'il s'est marié avec plusieurs femmes, 9 femmes. كان همه النساء. Son seul souci ou son grand problème était les femmes. Il cherchait à se marier. أقول كذب. Je dis mensonge. نعم تزوج بعدة نساء. Il s'est, c'est vrai, il s'est marié avec plusieurs femmes. ولكن ما تزوج حقيقة إلا بامرأة واحدة. Mais en réalité, il ne s'est marié qu'avec une seule femme. وهي خديجة بنت خويلد, qui fut خديجة fille de خويلد بفارق 15 سنة, avec une différence d'âge de 15 ans. أتدرون لماذا؟ Connaissez-vous la réponse? Pourquoi? لأنه بقي معها وفيا, parce qu'il est resté avec elle fidèle à son mariage avec elle. ولم يتزوج بامرأة أخرى في حياتها. Il ne s'est marié avec aucune autre femme pendant la vie de Khadija. حتى ماتت رضوان الله عليها fi sin al-khamisati wa 60 sana, jusqu'à sa mort, ça veut dire jusqu'à la mort de Khadija, à l'âge de 65 ans. Wa kana umruhu hina idhin 50 sana, et son âge lors du décès de Khadija, lui, il avait atteint l'âge de 50 ans. De 25 jusqu'à 50, il est resté avec cette femme qui était Khadija, la veuve Khadija. Il n'a pas choisi une autre femme. Il n'a pas cherché une autre femme. Il est resté avec elle, à côté d'elle, 25 ans. Il est bien connu chez tout le monde. L'homme cherche les besoins ou les désirs charnels entre l'âge de 20 et 50 ans. Et lui, sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas fait ça. Et lui, paix ça y est sur lui, n'a pas fait ceci. Mais il ne s'est marié avec les autres femmes qu'après l'âge de 50 ans. Parce que c'était Dieu qui lui a demandé de se marier. C'était Dieu qui lui a demandé de le faire. Pour des raisons qu'on va connaître au moment venu, inshallah, si Dieu le veut. وكل هذه الأسباب كانت من أجل خدمة الإسلام كما سنرى. Et toutes les raisons de son mariage étaient uniquement pour le service de l'islam, comme ce qu'on va voir. وهكذا فزواجه الحقيقي كان مع خديجة رضوان الله عليها. Ainsi, nous comprenons que son vrai mariage était uniquement avec Khadija, que Dieu soit satisfait d'elle. التي ولدت له كل أطفاله إلا إبراهيم, qui lui a donné tous ses enfants à part Ibrahim, ibn Maria al-Misriya, qui était le fils de Maria l'Égyptienne. وولدت له, ça veut dire Khadija lui a donné naissance à Al-Qasim, ولهذا يدعى صلى الله عليه وسلم بأبي القاسم, raison pour laquelle on le nomme, ça veut dire le prophète paix soit sur lui, Abu al-Qasim, père de Qasim. وولدت له عبد الله, elle lui a donné aussi comme enfant ou comme fils Abd Allah, bi ism abi, selon il a choisi le nom de son père Abdullah, donc il l'a donné à son fils. Wa laqabuhu at-tayyib wa at-tahir, et le, comment dire, il portait d'autres noms. Abdullah, il lui a donné d'autres noms, comme quoi at-tayyib, le bon, et at-tahir, le pur. Wa min al-banat, et parmi les filles, Zainab, Ruqayya, Kalthoum wa Fatima ridwanullah alayhim jami'an, et Fatima, que Dieu soit satisfait sur l'ensemble. Wa mata awladuhu fi as-sighar, tous ses garçons, tous ses fils étaient morts à bas âge. Amma al-banat fa adrakna al-islam, tandis que les filles, les quatre filles, ont atteint l'islam ou la période d'islam jami'an. Fa aslamna, et toutes ces filles sont devenues musulmanes. Wa hajarna, et ont accompli l'hijra ou l'immigration. وماتت كل البنات في حياته صلى الله عليه وسلم, et toutes ses filles sont mortes pendant sa vie, lorsque lui, il était encore vivant, paix soit sur lui. إلا فاطمة, à part Fatima رضي الله عنها, que Dieu soit satisfait d'elle, فقد بقيت بعده ستة أشهر فقط ثم لحقت به, qui est restée après sa mort pendant uniquement 6 mois, et après elle l'a rejoint. وبعد أن أغناه الله وزوجه بخديجة, et maintenant que Dieu le Très-Haut l'a enrichi et il a fait marier avec Khadija, هل انطلق للسهرات في نوادي مكة, est-ce qu'il s'est dirigé, lorsqu'il s'est vu devenu riche, est-ce qu'il s'est libéré de tous les liens et s'est dirigé vers les soirées dans les clubs de la Mecque, هل رد ما ضاع منه في صغره ايام كان يتيما, est-ce qu'il a récupéré le manque qu'il avait par rapport aux jeunes de son âge lorsqu'il était jeune, كما يفعل من كان فقيرا وبغت يصبح غنيا, comme fait celui qui a passé toute sa vie comme pauvre et un jour il se voit devenir riche, فيشبع كل شهواته وملذاته, et il satisfait par la suite tous ses désirs et tous ses plaisirs. أتدرون ماذا يقول التاريخ عن النبي صلى الله عليه وسلم, connaissez-vous ce que dit l'histoire à propos de Mohammed paix soit sur lui lorsqu'il est devenu riche? أخذ يساعد الفقراء والمحتاجين. Il a commencé tout de suite à aider les pauvres et les nécessiteux. ويكرم الضيوف et à bien donner à manger aux hôtes. ويساعد أصحاب البلاء et courait au service ou à l'aide des gens qui subissaient les épreuves et les malheurs de Dieu subhanahu wa ta'ala. وبدأ بعمه. Il a commencé d'abord par son oncle Abu Talib. فأخذ من عنده ابنه علي بن أبي طالب. Il a pris de chez lui son fils Ali, fils de Abu Talib, que Dieu anoblit son visage, karram Allah wajha, farabbahu inda. Il l'a élevé chez lui. C'est lui qui va éduquer Ali. لينقص عليه عدد أولاده, afin de réduire la charge de son oncle Abu Talib qui était pauvre. وسنرى في المرات القادمة, et on va voir dans les prochaines fois, أنه صلى الله عليه وسلم, comme quoi paix soit sur lui, سيترك المال. Il va abandonner, il va laisser derrière son dos la fortune. ويترك الزوجة الحبيبة خديجة, et il va laisser, il va abandonner l'épouse bien-aimée Khadija. ويترك الأولاد الأعزاء, il va laisser les enfants très chers à lui. ويترك الدنيا كلها, et il va laisser le monde entier, la vie ici-bas entière. ويختار الخلوة في الغار, et va choisir la retraite spirituelle dans la grotte, dans la caverne, مع ربي, avec son Seigneur. Lorsque Dieu lui a donné la femme, les enfants, la fortune, il a dit stop, je laisse tout et je vais choisir celui qui m'a donné tout. لما أعطاه الله كل شيء قال يكفي سأتوجه للذي أعطاني كل شيء وسأترك كل شيء. فاختار أن يعيش في قمة الجبل. Il a choisi de vivre, de mener vie sur le sommet de la montagne. بعيدا عن مكة, très loin de la Mecque. هل هذا الرجل الذي شهدت له مكة كلها, est-ce que cet homme envers lequel toute la Mecque a témoigné comme quoi il est le véridique et fidèle et sincère, شهدت له بالصادق الأمين, يستحق الاتهامات اليوم, est-ce que il mérite bien les accusations d'aujourd'hui. Ya Rab, ô mon Seigneur, salli wa sallim, prie et salue notre maître et notre bien-aimé Muhammad. Salli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammad. Adada nujoum issama, au nombre des étoiles du ciel. Wa rimali sahra, au nombre des sables du désert. Wa awladi adama wa hawa, et au nombre de la descendance d'Adam et Ève. Wa ila al-hissati al-qadimati insha'Allah, et à la prochaine séance insha'Allah. Wa barakallahu fikum jami'an. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت يا رب نسألك رضوانك يا رب اجعلنا من أحبابك ولا تجعلنا من أعدائك يا رب اجعلنا من أحباب حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم يا رب املأ قلوبنا بمحبتك ومحبة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يا رب اجعلنا من الذين يتبعون سنته يا رب كما علمتنا سنته فعلمنا العمل بسنته علمنا أن نكون مثله برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب اجعل منا محمديين ولا تجعل منا شياطين يا رب جد علينا كما جدت عليه يا رب ارفعنا كما رفعته يا رب أكرمنا كما أكرمته يا رب لا تتركنا لأنفسنا يا رب خذ بأيدينا انفعنا كن معنا ولا تكن ضدنا يا رب يا رب اهدنا إلى سواء السبيل يا رب أكرمنا بحبك وأكرمنا بطاعتك ولا تهنا بمعصيتك يا رب أكرمنا بحبك ولا تهنا بمحبة المعاصي يا رب بارك لنا في جلستنا هذه يا رب كما جمعتنا هنا مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مع حياة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فلا تحرمنا من الاجتماع به غدا يوم القيامة على الحوض وفي الجنة إنك على كل شيء قدير سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.